Document 12. Vie de famille. Papa va bien? Oui, il va bien. Mais il se fatigue vite et il doit faire de longues siestes l'après-midi. Julie est adorable. Elle n'a que 6 ans, pourtant elle parle comme un livre. Et elle m'aide beaucoup. À la cuisine, au jardin, pour les courses. Même si elle a 10 ans de moins que son cousin, ils s'entendent très bien tous les deux. Ils jouent aux cartes, ils font de l'ordinateur, ils bavardent. Max s'est foulé le poignet gauche, il te racontera. Mais il joue au ping-pong avec Julie quand même. J'ai une surprise pour Julie dans le panier qui est dans la voiture. J'ai retrouvé Tichou. Grâce à Madame Michel, la voisine, et à un couple de touristes. J'en étais sûre. J'avais beau rassurer Julie, elle était très inquiète pour son chat. Tichou a été très sage pendant le voyage, même s'il était mort de peur. Il n'aime pas l'aventure, ce chat.